Il est 11h05, l'heure de panique au Mangin Palace. Tiens, vous avez changé de chemise, Philippe Collin. Oui, et une cravate, tu es propre sur toi. Voilà, merci beaucoup. Faire ces trucs, on vous retrouve à midi, c'est parti. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 82. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, le dimanche 10 juin 2007, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es nu sous la douche, tu es nickel sous les aisselles, tu es gant de crin, tu es antiseptique, tu es pousse-mousse, et tu es aussi... Les Français n'aiment pas du tout se brosser les dents. Ils ne disposent que d'une seule brosse à dents pour 4 personnes. C'est difficile à croire. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es propre sur toi, encore que parfois un peu crado aussi. Alors, à l'heure où certains redoutent visiblement de se prendre une douche écossaise, ce soir vers 20h, la panique au Mangin Palace a décidé ce matin d'investir la salle de bain pour t'offrir, durant 53 minutes, quelques conseils d'hygiène corporelle. Et pour commencer, des termes de caracalla à l'installation d'une salle de bain chez toi, il faut te raconter l'histoire de la propreté sur soi. Ensuite, durant quelques minutes, nous essaierons de convaincre les réfractaires à la salle de bain qu'il est essentiel de se décrasser. On enchaînera d'ailleurs sur une petite merveille du facétieux Jean-Yves Lafesse qui, lui, figure-toi, pour faire sa toilette, n'hésite pas à s'engouffrer dans une authentique machine à laver. Et puis, dans la foulée, nous avons enquêté cette semaine dans les coulisses du sommet international du G8 à Rostock pour te faire découvrir ce matin les rapports qu'entretiennent les grands de ce monde avec leur propre hygiène corporelle. Et enfin, il faudra te raconter comment nos amis Monique et Jean-Claude ont dû faire face le week-end dernier à un problème de chauffe-eau dans la salle de bain jusqu'à l'arrivée du plombier, bien entendu. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et astique-toi. Some of the work gets kind of hard. This ain't no place to be if you plan on being a star. Let me tell you, it's always cool. And the boss don't mind sometimes if you act a fool. At the car wash, oh, oh, oh, oh, oh. Talking about the car wash, yeah. Come on, y'all, and sing it for me. Car wash, yeah. Ooh, oh, oh, oh. Car wash, never seem to stop coming. You were Car Wash, c'est ce que te proposait en 1976 Rolls-Royce, qu'il avait alors sa Rolls-Royce sur un rythme disco. Remarque, aujourd'hui dans les clips de gangsta rap, ce sont souvent de jeunes femmes assez dénudées qui nettoient le capot de leur Ferrari en même temps qu'elles font leur toilette, bien sûr. Alors ce matin, à l'heure où bon nombre d'entre vous n'a pas encore pris sa douche, c'est du propre, la panique au Mangin Palace a donc décidé de s'intéresser au propre et aux sales. Ainsi, pour commencer notre exploration, il est tout d'abord nécessaire de survoler durant quelques minutes l'histoire de l'hygiène corporelle. Dans la Grèce antique, le gymnase est à la fois un lieu de rencontre et d'entraînement, où il est d'usage, après l'activité physique, de se baigner à l'eau froide. Gla-gla, disait Archimède dans sa baignoire. Les Romains conservent cette pratique et font de leurs thermes des bâtiments somptueux où la maîtrise de l'eau, chaude cette fois-ci, est édifiante. Ainsi, les thermes de Caracalla, construits au IIIe siècle, couvrent près de 10 hectares et peuvent accueillir 1600 baigneurs. Par la suite, l'église des premiers temps est plutôt favorable au bain. D'ailleurs, le baptême, c'est un peu la commémoration d'un débarbouillage de Jésus. L'usage du bain public se poursuit dans les villes médiévales avec les étuves. Cependant, les bains publics sont vite perçus par le clergé comme des lieux de débauche. La proximité des corps heurte la morale et les étuves sont alors comparées à des lupanars truffés de prostitutes qui ont d'ailleurs bien du mérite. Il y a des clients, il y a des salauds, il y a des clients, il y a des salauds qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau. Faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole, faut pourtant qu'elle les cajole. Qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel. Les sous croyez pas qu'elle les vole, parole, parole. Les sous croyez pas qu'elle les vole. Les sous croyez pas qu'elle les vole. Soit. Pourtant, l'honnêteté des prostituées n'empêche pas la condamnation des bains publics par l'Église, mais également par les médecins qui voient dans l'eau un vecteur de transmission des épidémies. Le bain devient donc suspect. Ainsi, à la cour de Versailles, on se lave à l'eau froide les mains et le visage et on se parfume le reste. Et oui, Louis XIV n'est pas vraiment un adepte du bain qu'il n'aurait pris d'ailleurs qu'une ou deux fois et encore parce qu'il était malade. Sale bonhomme était le pire des hommes qu'on n'ait jamais vu. Il jurait, crachait et faisait de l'œil aux inconnus. Il rongeait ses ongles et mangeait sa soupe dans une passoire. On m'a même dit qu'il n'avait jamais mis les pieds dans une baignoire. Oui, sale bonhomme, oh, sale bonhomme. Oh, quelle sale personne, quelle sale personne. Un monstre en somme, ce sale bonhomme. Les notions de sale et de propre ont ensuite profondément évolué. Au XVIIe siècle, la propreté signifiait changer souvent de chemise. Pourtant, un siècle plus tard débute le mouvement hygiéniste dont nous sommes aujourd'hui encore les héritiers. Le bain est réhabilité et on lui trouve des vertus thérapeutiques. Le XIXe siècle, c'est d'ailleurs le succès du thermalisme et des grands travaux d'adduction d'eau. Ce phénomène conduit au XXe siècle à une révolution dans les ablutions, à savoir la création dans les logements privés, écoutez-moi bien, d'une pièce d'eau. Maintenant, écoutez-moi bien. Essayez d'imaginer cette scène. Vos deux enfants plongés dans la baignoire d'une salle de bain. Ils se chamaillent et rient aux éclats. C'est si agréable d'avoir une salle de bain. Maintenant, vous aussi, vous pouvez avoir une salle de bain grâce à des facilités de crédit et des dispositions légales nouvelles. Que vous soyez propriétaire ou locataire de logements anciens, demandez la brochure gratuite qui contient tous les renseignements à Information Sanitaire, boîte postale 100-07 Paris 7e. Joignez simplement un timbre à 30 centimes. Vous aussi, vous pouvez avoir une salle de bain. Vous aussi, vous pouvez avoir une salle de bain. C'est un des changements majeurs des logements et des modes de vie au XXe siècle. Jusqu'alors, la salle de bain restait marginale, surtout réservée à la bourgeoisie. Mais peu à peu, avec la découverte des microbes, la perception de la propreté gagne l'ensemble de la société. Être propre devient une règle sociale qui s'acquiert dès le plus jeune âge. Pendant la première et la deuxième enfance, les conflits à propos de la propreté entre parents et enfants vont concrétiser un aspect de leur relation. Implicitement, et souvent de manière inconsciente, dans les exigences de propreté que formule la mère, il y a un désir de formation morale et sociale. Lorsque ces exigences sont repoussées, les parents ont l'impression qu'on refuse non seulement de leur obéir, mais encore qu'il s'agit là d'une révolte contre la tradition et la société dont ils se font les représentants. L'enfant, au contraire, n'y voit généralement qu'une contrainte gênante et dont la nécessité ne lui apparaît pas clairement. S'amuser, vivre avec passion, explorer des choses inconnues, lui paraît toujours s'accompagner d'un certain nombre de libertés dont l'essentiel est de pouvoir se salir. D'autre part, la nécessité de se laver à heure fixe ne lui apparaît pas. Pourquoi, disent-ils, veux-tu que je me lave les mains puisqu'elles seront de nouveau sales tout à l'heure ? Eh oui, pourquoi se laver ? C'est la question qu'aurait dû se poser Mara ou encore Jim Morrison avant d'entrer dans leur baignoire, car se laver pour rester en bonne santé, ce n'est pas une évidence. Depuis hier après-midi, on connaît les circonstances exactes de la mort de Claude François. Le chanteur est mort électrocuté, non pas en essayant de changer une ampoule, il était dans son bain. L'applique électrique se trouvant au-dessus de la baignoire s'est mise à clignoter. Claude François s'est mis debout pour la tapoter, il avait les pieds dans l'eau, alors que le courant électrique passait dans l'applique de cuivre. Moi, pour que je chante bien, il faut que je me mette dans le bain. Alors tous les matins, je chante dans ma salle de bain. Je chante dans ma salle de bain, c'est sans doute une motivation essentielle pour aller sous la douche ou bien aux toilettes pour faire un tube d'un air bête. Pour faire un tube de toilette, en chantant sur cette air bête, avec des jeux de mollets, il faut pondre des couplets. Permets que je te réponde, c'est sûr, faut que tu les pondes. Bon mais, que dois-je pondre ? Que ponge ? Que ponge ? Qui t'a serviette éponge. Serviette éponge, parfait. Allez, vas-y, je vais t'aider. J'apprécie quand de toilette. Quand de toilette. Me soutient ce lavabo. Ce lavabo. Au plus vite, c'est bien lavé. C'est bien lavé. Rite et ça, nous le savons. À nous le savons de toilette. Sur ce piano, les touches tièdes. Les touches tièdes. Ton air est bon, mais mon shampoing. Mais mon shampoing. Il sera peut-être pas sale demain. Sale de bain. Il m'aura en tout caminé. Ou caminé de toilette. Au chaud, au froid, au mitigé. Cette salade, on verra dans. On verra dans. Un instant, si c'est le bide et. C'est le bidet. Est-ce à répéter ou à terre? Théo ou à terre? J'aimerais mieux que d'autres lavandes. Eau de lavande, eau de toilette. Eau chaude, eau froide, eau mitigée. Ma face de carême a rassé. Crème à raser. Pour sur aura ce soir l'éthique. Rasoir électrique. Ils font rire les cosmétiques. Les cosmétiques. Sur ma gueule d'en peigne à moustache. Peigne à moustache. Cosmétique. Crème à raser. Rasoir électrique. Serviette éponge. Chanson de toilette. Très poétique. Top. Le tube de toilette, c'est ce que chantait le fantaisiste Bobby Lapointe durant l'été 1969, pendant que la jeunesse, elle, n'avait rien d'autre à faire que de se rouler dans la boue du festival de Woodstock. Je t'en foutrais, moi. Vivement qu'on ait toi, M68 au Karcher, oui. Alors maintenant, après avoir survolé l'histoire des bains et des douches, il est temps désormais, toujours en direct du Morgin Palace, de nous intéresser quelques minutes aux règles essentielles de l'hygiène corporelle, car... visiblement, mon ami, il n'est pas inutile, dis donc, de faire ici quelques petits rappels. « France, ton hygiène fout le camp, si l'on en croit une enquête du magazine Marie-France et un sondage de l'Institut Ipsos, se laver n'est pas français. Un Français sur deux fait dodo sans s'être brossé les dents, un Français sur cinq garde le même slip pendant plusieurs jours, 38% des femmes et seulement 22% des hommes font quotidiennement une toilette complète. Il n'y a pas que les avions qui reniflent. En espérant ne pas vous avoir coupé l'appétit, merci d'avoir écouté ce journal, France Inter, 19h23. C'était le journal de Patrice Bertin. Eh ben bravo, se laver ne serait donc pas français? Non mais oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut donc immédiatement réagir et tenter, bon sang, de convaincre nos compatriotes cradingues que l'hygiène peut être bienfaitrice. Avant tout, il faut savoir que l'hygiène semble avoir toujours posé un problème aux Français. Jusqu'au XIXe siècle, par exemple, les Parisiens jetaient leurs ordures et leurs pots de chambre par la fenêtre, prévenant à peine les passants dans la rue, urbaine courtoisie. Et pourtant, c'est à la même époque qu'un Français, Louis Pasteur, a découvert que certaines maladies pouvaient être causées par des micro-organismes invisibles et pernicieux, mais qu'il suffisait simplement de se laver régulièrement les mains, notamment, pour éviter de choper ces petites saloperies. Eh bien, l'hygiène possède donc cette première vertu, celle de préserver sa propre santé. Dorénavant, pense-y lorsque le matin, tu feras ta toilette dans la salle de bain. Quand vous vous rasez le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle? Pas simplement quand je me rase. Hier, ce sont les barbus qui ont été désignés comme responsables des émeutes par le ministre de l'Intérieur. Alors, qui sont ces barbus? Sont-ils réellement derrière les émeutes? Messieurs, vous êtes les Bee Gees et... Staying alive. Oui, bravo, oui. Nicolas Sarkozy dit que des barbus manipulent en banlieue, c'est vous? Non. Zut, ben merci quand même. Bon, qui ça peut bien être ces barbus alors? Qui y a comme barbu qui manipule? Jésus... Jésus-Christ? Non. Jésus? Ouais. C'est vous le barbu qui manipulait la banlieue? C'est Sarkozy qui le dit. Ah non, je suis pas barbu, moi. Ah bah si. Ouais, non, sur la croix, j'avais la barbe, ok, mais je sortais de 6 mois de prison chez les Romains. Sinon, je me rase tous les matins, moi. Ah, bon, bah c'est pas lui, alors. Merci, monsieur. De rien, bonne journée. Bon, c'est pas lui non plus. Eh, comme quoi, messieurs, il faut se raser tous les matins, c'est important. Sinon, tu vois ce qui t'attend, c'est une question de santé publique. Et puis surtout, il faut également prendre une douche une fois par jour. Et là aussi, messieurs, vous qui êtes parfois réfractaires... Vous devriez réfléchir, bon sang, aux vertus de la douche. Les garçons, ils se font des plaisirs solitaires. Dans les vestiaires, ils ferment les yeux sous la douche et rêvent que des filles alanguies s'en viennent en bande et à pleine bouche dévorer leur anatomie. Oh. Eh oui, aussi bien pour un homme que pour une femme d'ailleurs. Prendre une douche, c'est parfois l'occasion de se faire plaisir. Dans la foulée, on sort de la baignoire, on attrape une serviette propre, on se sèche correctement, notamment entre les orteils afin d'éviter les mycoses. Une fois sec, on s'occupe ensuite de toutes les petites toilettes intimes. En gros, on se nettoie les oreilles, on se cure les ongles, on se brosse les dents et tout le reste. Eh ben vieux, qu'est-ce qui t'arrive ? Ah non, c'est rien, mais quand je me lave, j'ai un peu mal. Ah, fais gaffe, c'est vachement important. Tiens, regarde. Tu vois ça? C'est ma bite. Les impuretés se déposent là, entre le poil et les couilles. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, tu fais ce que tu veux, mais moi, je me brosse régulièrement la bite avec Tony Glandil. Tony Glandil? Ouais. Et je peux te dire qu'avec ça, ma bite, c'est du béton. Donc, après l'élégante hygiène bucco-dentaire, nue dans la salle de bain... Il faut parfois badigeonner ton corps d'une crème hydratante, car le calcaire que contient l'eau abîme et dessèche ta peau. Mais surtout, avant d'enfiler tes sapes, pense bien à t'asperger les aisselles d'un coup de déodorant. Sinon, après au bureau, ils font la tronche. À 5h du soir, dans son bureau, la tatilo s'en montait sous les bras. Quelle odeur épouvantable! Elle pue, c'est effroyable. Elle n'est pas protégée contre les impuretés. Elle pue, elle aurait dû se laver dès le matin avec le savon machin, le bon savon qui contient du tiramisu officiel. Au catofix, salut, gel. Activé. Résumons-nous. Une douche parfumée, du dentifrice fluoré, un déodorant sécurisé, bref, un triptyque quotidien. Et te voilà propre comme un sous-neuf chaque matin, c'est essentiel. Mais attention, car l'hygiène, très chère, passe également par le soin que tu accordes à la propreté de tes sapes. Car excuse-moi, mais remettre 3 jours de suite une chemise qui sent le poney avec une grosse tache dessus, ce n'est pas du meilleur goût non plus. C'est pourquoi l'hygiène désormais ne peut se priver d'une excellente lessive. Le nouvel homo, est-ce qu'il lave plus blanc que l'ancien homo? Il lave plus blanc, le nouvel homo. Mais l'ancien homo, alors, il lave moins blanc, alors? Non, l'ancien homo, il lave blanc. Ah bon? Parce que moins blanc, je sais ce que c'est comme couleur. C'est blanc. Moins blanc que blanc, je me doute. Ça doit être gris clair. Mais plus blanc que blanc, qu'est-ce que c'est comme couleur? C'est nouveau, ça vient de sortir. Bon. Alors maintenant, toujours dans le registre de la machine à laver donc, mais dans l'espoir, bien sûr, d'enrichir nos conseils d'hygiène et de propreté corporelle à l'usage des réfractaires, il faut évoquer, je crois, les grands moyens. Oui, voyons donc la toilette de l'extrême que nous propose ce taré de Jean-Yves Lafesse. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Allô? Allô, c'est le magasin d'électroménager? Non. Oh, madame, vous pouvez peut-être m'aider. Bonjour, madame. Vous m'entendez bien? Oui. J'habite au 3 rue Romain Rolland. Oui. Je suis une dame âgée. Oui. Je suis montée ce matin, là, tout à l'heure, il y a une heure, sur une chaise pour attraper un paquet de lessive. Vous savez, ce qui était sur une étagère. Oui. Et je suis tombée dans la machine à laver. Oui. Et heureusement, j'ai mon téléphone portable dans la poche de ma blouse. Oui. Et là, je vous appelle parce que je suis coincé dans la machine à laver et la porte s'est fermée. Et comment vous respirez, là? Ben, ça va, c'est... je respire parce que je pense que l'air passe à travers les joints en caoutchouc, hein. Oh. Il y a 3 boutons à l'intérieur de la machine. Oui, non, mais moi, qu'est-ce qu'il y a de marqué? Alors, c'est marqué, il y a un bouton bleu, un bouton jaune, un bouton rouge. Et c'est marqué « Open », « Exit » et « On ». Lequel j'appuie? C'est que je ne sais pas, moi, parce que... Attendez, bon, surtout pas sur « On », mais... Exit... Ah, « On », vous m'avez dit? Non. Ça y est. Non. Oh! Non. Allô? Non, surtout pas, n'appuyez pas sur « On », je vous ai dit. La machine tourne! Je vous ai dit de ne pas appuyer sur « On ». Oh! Je vous ai dit de ne pas appuyer sur « On ». Oh! N'appuyez surtout pas sur « On », je vous ai dit. Écoutez, je m'habille, je vais voir le réparateur. Non, attendez, ça s'arrête. Ça, écoutez. Allez, ça s'arrête, c'est bon. Bon, ben je vais voir le réparateur. Ah, ben il y a mon mari qui arrive. Qu'est-ce que tu fais là-dedans, toi? Mais qu'est-ce que... Vous êtes là, monsieur? Allô? Oui. Bonjour, madame, excusez-moi, je prends le téléphone parce qu'il y a ma femme qui est toute retournée, ses cheveux qui sont complètement retournés, elle sort de la machine à laver. Elle m'a téléphoné, je ne sais pas comment elle a atterri chez moi, comme quoi elle était tombée dans la machine à laver. Elle est sortie. Elle est en train de sortir, mais elle a un caleçon sur le nez. Elle a un caleçon sur le nez? Ben oui, comment ça se fait? Never be. All I Want, c'est ce que chante Géraud sur son dernier album sorti en 2006. Mais attention l'ami, si Géraud, il chante en anglais, il n'en reste pas moins un petit Frenchie. Et d'où vient-il précisément? Eh bien, à France Inter, nous le savons. De Marseille, bien sûr. Alors maintenant, pour poursuivre notre exploration des ablutions et de l'hygiène corporelle, la panique, toujours en direct du Mangin Palace, a décidé de procéder à un petit toilettage de l'actualité principale de cette semaine. En effet, comme tu le sais, les dirigeants des 8 pays les plus industrialisés, qui représentent à eux seuls les 2/3 de la richesse mondiale, se sont retrouvés mercredi dernier dans la station balnéaire d'Heiligendamm, en Allemagne, pour le 33e sommet du G8. Mais ce que la presse ne t'a pas dit, c'est que malgré les 12 km de barrières dressées pour protéger les dirigeants du G8, les altermondialistes, eux aussi, ont frappé un gros coup. En plus de cantonner les dirigeants dans leur gros hôtel luxueux, figure-toi qu'ils ont réussi à couper l'arrivée d'eau. Impossible donc pour président Bush, Tony Blair, Nicolas Sarkozy et tous leurs petits copains de se laver durant 3 jours. Alors, quand hier matin, Angela Merkel a accueilli ses hôtes dans le salon pour le petit déjeuner, président Sarkozy n'a pas pu s'empêcher de glisser à l'oreille de Tony Blair. Quand pour nous dire bonjour, elle ouvre grand ses bras en croix, je me dis au secours. Mais déjà ses mains sont sur moi, fébrile, je tends la joue. En bon petit gars bien brave, elle me donne un bisou. Qui colle, qui mouille, qui bave. C'est tati qui pue, tati qui pique, tati qui sent la bique. C'est tati pas belle, c'est tati tati qui sent la poubelle. Oui, bon ben c'est vrai qu'Angela Merkel, comme ça fait 3 jours qu'elle ne se lave pas, forcément elle n'est plus très fraîche. En plus, un peu godiche, Angela, en servant du café à président Sarkozy, s'en renverse sur le chemisier. Oh, oh quel maladroit Dieu fait. Un chemisier tout neuf. C'est la première fois que je le mets et en plus je l'adorais. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? N'ayez crainte, madame, car voici Mentor. Mentor est une nouvelle lessive aux microparticules. Regardez, dès 30 degrés, les microparticules de Mentor superactif pénètrent à l'intérieur même des fibres de votre linge taché. Mentor, la lessive des gros menteurs. Mentor change aussi les rayures en poids, l'or en plomb, les casseroles en citrouille. Et attention, pour chaque achat de 2 paquets de lessive Mentor, la lessive des gros menteurs, Mentor vous offre un bateau. Un gros bateau. Un bateau? Mais c'est la Paloma, évidemment. Cela dit, le petit déjeuner des dirigeants du G8 est tendu. Car la petite troupe commence de plus en plus à souffrir des odeurs corporelles qui émanent de chacun. Et pourtant, il faut poursuivre le travail. C'est ainsi qu'une réunion sur la faim dans le monde doit bientôt commencer. Président Bush, lui, voudrait la bâcler Fissa, histoire de rentrer plus vite. Mais il faut attendre car il manque Nicolas Sarkozy. L'Italien Romano Prodi part donc à sa recherche et il finit par le trouver au seul point d'eau encore disponible dans l'hôtel, à savoir la piscine. Mais qu'est-ce que tu fous là-dedans? On te cherche partout. Eh ben, je me lave. Qu'est-ce qu'elle est bonne, tu viens? Si le chef arrive, tu vas te faire drôlement engueuler. Ben, il peut pas m'engueuler parce que je me lave. Et puis, en même temps, ça délasse. T'as pied? Tiens, regarde. Allez, viens. Évidemment, si c'est juste la question de se laver. Mais alors, juste un minute, hein? Dites donc, qu'est-ce que vous faites là? On se lave, chef. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Oh oui, chef. Quand on y est, elle est vachement bonne. Ouais, ben, bonne ou pas, faut pas rester là-dedans. Allez, ouste. Moi, je suis sûr que ça vous ferait du bien. Surtout avec vos responsabilités, tout ça. Hein. Justement, ma responsabilité, c'est qu'on parte. Pas qu'on se baigne. Un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef, un petit bain. Président Bush est donc lui aussi tombé dans la piscine et il en profite pour faire un brin de toilette. Assis sur des chaises longues, les dirigeants se prélassent, ravis d'être enfin propres. Président Bush discute alors méthode de répression avec le russe Vladimir Poutine. Mais 3 jours de confinement dans l'hôtel ont développé, comment dire, une certaine promiscuité. Eh, je signale, il n'y aura plus de PQ. On mange. Et j'ai fini. Et toi, mais pas nous. Oh, oh, mais c'est propre. Est-ce qu'on t'a demandé si c'était propre ou sous ta jupe, salope? Monstre. Salope. Mets des guillemets quand tu parles aux dames. N'importe quoi que je fais, c'est jamais bien. Angela Merkel est furibonde de se faire insulter ainsi, car elle aussi, scheisse, souffre du manque d'eau. Voyant la détresse d'Angela, président Sarkozy décide de lui venir en aide et de lui avouer un secret. Il vient de remplir la baignoire de sa chambre avec le contenu des bouteilles de son mini-bar. Viens faire glou-glou dans la baignoire, on va s'amuser comme des fous. Viens avec moi dans la baignoire, je te ferai des petits glou-glous. Oh non ! Allez, saute dans la baignoire, on va s'amuser comme des fous. Pas besoin du conservatoire pour apprendre à jouer au glou-glou. Angela Merkel se retrouve donc dans la baignoire avec Nicolas Sarkozy pour un bain salutaire. J'adore prendre des bains, avec toi surtout. Dans ces cas-là, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Quand j'étais petit, je détestais ça. À l'époque, faut dire que j'avais qu'un canard en plastique pour m'amuser. Oh. Angela Merkel et Nicolas Sarkozy finissent par s'extirper de leur baignoire, ravis d'avoir enfin pu se laver. Les réunions pour sauver le monde vont ainsi pouvoir reprendre, mais c'est sans compter sur l'hygiène de certains dirigeants qui laissent toujours à désirer. Et c'est là le nœud du problème, c'est là la cause profonde du relatif échec du sommet du G8. Car la conversation est devenue impossible quand il faut parler à président Bush. Il n'avait pas la langue dans sa poche, sinon c'est sa poche qu'aurait pué de la gueule. Il avait en effet un problème sévère, qui depuis tout petit lui causait souci. Il avait la laine d'un vieux camembert, le souffle violent d'un printemps. Ainsi, les problèmes bucco-dentaires de président Bush sont un obstacle aux discussions bilatérales. Impossible dès lors de progresser sur le dossier environnemental ou bien sur le Darfour. Jusqu'à ce que Nicolas Sarkozy débloque la situation. Il offre à président Bush la dernière bouteille de whisky de son mini-bar. Et président W en fait bon usage. Voilà, grâce à Nicolas Sarkozy, président Bush, lui, a pu se la laver, cette bouche. Mais il est trop tard pour terminer les réunions prévues et pour aborder tous les points du programme. C'est pour cette raison que la déclaration finale du G8 fut quelque peu laconique. Consommatrice, consommateur, dois-je vous remercier pour votre soutien chaleureux et massif ? Oui, chers citoyens consommateurs, l'avenir vous sourit. Comme je vous souris en ce moment. PDG, PDG. Vous avez vu les dents de notre président? Elles sont d'un blanc stupéfiant, ahurissant, époustouflant. C'est parce qu'il l'utilise. PDG, PDG. La pâte dentifrice gouvernementale. Faites comme notre président. Utilisez-vous aussi PDG, la pâte dentifrice gouvernementale. Des dents si blanches, c'est un scandale. PDG. Les dirigeants du G8 sont enchantés de cette réussite. Ils ont réussi à faire des promesses, mais sans aucune contrainte. Tous demandent alors à président Bush comment il réussit, lui le grand pollueur, à ne pas s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est alors que président Bush leur a expliqué, par une métaphore, son credo politique. Moi j'ai un truc pour que mes toilettes soient toujours propres et sentent bon la violette. Je vais chier chez mes voisins. Les voisins, mais bien sûr, c'est la solution quand on n'a plus d'eau chez soi. Voilà, le sommet du G8 vient de se terminer. Chacun des maîtres du monde est rentré chez lui. Les alters mondialistes, eux aussi, sont repartis, beaucoup plus propres d'ailleurs que les 8 puissants, parce qu'ils ont eu droit à la douche des canons à eau de la police, bien sûr. Mais je devine déjà que leur espoir est de rendre fragile le prochain sommet du G8 avec qui ils vivent une divine idylle. Ma folie, mon envie, ma lubie, mon idylle. c'est ce que chante Vanessa Paradis sur un nouvel album disponible en septembre prochain. Divine idylle, car si les suppôts du diable sont sapés en guenilles et puent la sueur en enfer, en revanche, au paradis, les anges sentent la lavande et se trimballent dans des costumes qui sortent du pressing d'une blancheur immaculée. Alors maintenant, pour prolonger notre petite aventure illustrée dans ce monde aseptisé de la propreté, il est grand temps désormais, à 11h42, de retrouver nos deux super propres sur eux, les hygiéniques que sont Jean-Claude et Monique. Alors, avant tout, souviens-toi, samedi dernier, nos amis Monique et Jean-Claude sont allés passer leur soirée dans un club brésilien où ils ont dansé la samba toute la nuit. Et au réveil, dimanche matin, dans la salle de bain, Jean-Claude, en pyjama, était de très bonne humeur devant la glace. Me laver, me raser, m'habiller, me peigner, mes cheveux, bien coiffé. Très vite, Jean-Claude se brosse les dents, de haut en bas, tout en se faisant couler un petit bain moussant. Jean-Claude, il adore barboter, et dès qu'il pénètre dans l'eau bouillante, parfumée aux extraits d'aloe vera, il est tout heureux comme un gamin, quoi. Parce qu'on est bien quand on est dans son bain, on fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Parce qu'on est bien quand on est dans son bain, on chante sous la mousse pour les voisins. Il est déjà presque midi et quand Jean-Claude sort de la baignoire, son émission de radio préférée sur France Inter s'achève sur ce foutu générique dont il aimerait tellement savoir d'où il sort. Enfin bref, après avoir enfilé ses vêtements lessivés, Jean-Claude arrive dans la cuisine pour boire son café. Mais là, visiblement, son fils Rémi a un souci. Papa, je crois que le chauffe-eau déconne, hein, y a plus d'eau chaude. T'avais qu'à pas laisser couler l'eau cette nuit, c'est moi qui ai fermé le robinet. Merde, j'ai oublié de couper. C'est pas grave, puisque ton père a fermé le robinet. Bah alors c'est que le chauffe-eau déconne vraiment, hein, parce que ça aurait eu le temps de chauffer depuis, normalement, non? Au moins là, hein, je suis pas coupable. Bon, allez, laisse-nous, toi, va prendre une douche froide, ça te fera du bien ce que t'as. Allez. Taré, lui. Rémi Furac se regagne sa chambre, pendant que Jean-Claude, lui, ne moufte pas, puisqu'il sait très bien qu'en réalité, c'est lui qui vient de vider entièrement le ballon d'eau chaude en monopolisant la salle de bain pendant 2 heures. Cela dit, perplexe, Monique, elle, est tout de même allée vérifier cette histoire de chauffe-eau cassée. Quand, tout à coup, elle se met à hurler. Jean-Claude se précipite alors vers la salle de bain et frappe à la porte. C'est moi, où ? Ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? T'as rien ? Hein ? Il y a une araignée dans la baignoire. Hein ? Une horrible, affreuse araignée noire dans la baignoire. Et c'est pour ça que tu m'as fait venir pour une simple araignée dans ta salle de bain. Bah oui, en fait, tu sais que j'ai la phobie des insectes. Oh. Je ferme pas l'œil, moi, s'il y a un truc vivant qui rentre quelque part. Mais tu l'as, mais enfin, mais fais pas tant de chichi. T'as pas la bomberette, tu raides tous les insectes. Non. Jean-Claude ne supporte pas cette émotivité de Monique. Enfin bref, l'araignée, bien sûr, a disparu. Mais Monique fait tout de même remarquer à Jean-Claude qu'en effet, le chauffe-eau dans la salle de bain est bel et bien hors d'usage. Il va donc falloir appeler un plombier. Ce que fait immédiatement Jean-Claude. Au même moment, dans sa chambre, Rémi, vautré sur la moquette, évoque avec un copain venu passer le week-end à la maison cette altercation à propos de la douche qu'ils ont eue avec le Jean-Claude ce midi. C'était quoi son histoire de douche ? Rien. C'est juste que ce matin, j'ai commencé à me branler sous la douche et que ça les a énervés parce que je vidais tout le ballon d'eau chaude. Toi aussi ? Ça m'arrive. Mais c'est pas mon endroit préféré. Moi, ce que je préfère, c'est les chiottes du lycée. On vient donc de sonner à la porte de la datcha. Seule, dans la cuisine, Elsa, la fille de Monique et Jean-Claude, s'avance alors vers l'entrée et demande « C'est qui ?»« Je suis plombier, pied, j'ai un beau métier. Je fais mon turbin, bain, dans les salles de bain. Il faut qu'on m'implore de l'aube à l'aurore. » Je colmate les tuyaux, je guéris tous les maux de mon petit chalumeau. Monique, en peignoir, puisqu'elle n'a pas eu le temps de se doucher, accueille donc le plombier troublé et le conduit immédiatement dans la salle de bain. Et là, le plombier n'en croit pas ses yeux et il n'en a jamais vu des comme ça. Et oui, en effet, Monique confirme au plombier que ce lavabo est une vasque marocaine très ancienne que Jean-Claude lui a offert il y a quelques années lors d'un voyage à Marrakech. Enfin bon, toujours est-il que le plombier se met rapidement au boulot afin de réparer au plus vite ce fameux chauffe-eau. Une demi-heure plus tard, le plombier annonce fièrement à Jean-Claude que ça y est, tout est en ordre. Dans 20 minutes, il y aura même de l'eau chaude. Jean-Claude, lui, est un peu surpris par le montant de la facture. 245 euros, voleur, va ! Et oh, c'est dimanche aussi, hein ? Merde alors. Pas rancunier, Jean-Claude invite alors le plombier à boire l'apéro. Pendant que Monique, elle, profite enfin de la salle de bain. Je suis dans mon bain de mousse douce. Je suis dans mon bain si douce, douce. Au premier matin de notre première nuit. Combien de matins de mousse douce avant qu'un matin je te repousse. Aujourd'hui, demain, aurons-nous une autre nuit. Eh oui, Monique adore chanter Sylvie Vartan sous la douche. Après le départ du plombier, Jean-Claude, lui, installé au salon, feuillette tranquillement l'équipe et en profite au passage pour optimiser son hygiène buccale avec du fil dentaire. Seulement voilà, à peine arrivé chez lui, le plombier décroche son téléphone, compose le numéro de Monique et Jean-Claude et c'est Elsa qui décroche. Allô ? Écoute petite, ta mère, elle est près de toi là ? Ok bon, faut lui dire, maman, il y a un mec pour toi. Allez hop, grouille-toi merde. Ah, c'est monsieur la dernière fois ? Bon, je vais la chercher, je crois qu'elle est dans son bain. Et je sais pas si elle va pouvoir venir. Bon, tu m'emmerdes là, dis-lui que c'est vachement important bon sang. Et que j'attends moi là, en plus c'est moi qui paye, merde. Chose à ma maman, elle me fait toujours des grands signes et elle me dit toujours tout bas, mais pour que je sois là. Petite conne, va. Hein ? Non, rien, ma chérie. Bon, passe-moi ta mère maintenant. Et devant l'insistance du plombier, Monique finit par sortir de son bain pour savoir ce que veut ce plombier à la fin. C'est alors qu'au téléphone, il avoue à Monique qu'en quittant Jean-Claude tout à l'heure, il est repassé devant la salle de bain et depuis, il est tout chamboulé. La porte de ta douche est restée entrouverte, abusant de la situation. D'un œil inquisiteur, d'une prunelle experte, j'ai découvert plaines et monts, le temple du soleil et la vallée sacrée ont disparu sous le savon. Et dans un éclair bleu niché dans la rosée, j'ai vu le mont Gerbier des Joncs. La porte de ta douche est restée entrouverte. Choquée, Monique raccroche aussitôt et retourne dans la salle de bain où là, elle découvre Jean-Claude nu, dis donc, qui l'invite à le rejoindre sous cette douche chaude, désormais réparée, bien sûr. Tous les deux sous cette douche, corps à corps et bouche à bouche, et cette pluie qui tombe en nous chantant du Vivaldi. Doudou, doudou, doudou. T'as des algues plein la tête, t'as des perles plein partout. La glace nous répète, les enfants, regardez-vous. Nous sommes la jeunesse et la beauté. Faudrait poser pour des publicités. De la mousse en avalanche qui ruisselle sur tes hanches. Et les fruits de tes dimanches qui mûrissent sous mes doigts. C'est bien trop chouette. Ah ! La suite n'est qu'une histoire de sensualité ruisselante. Sauf que pendant que Monique et Jean-Claude s'enlacent dans cette salle de bain surchauffée et embuée, le plombier, lui, vient de rappeler à la maison. Il a laissé un message sur le répondeur pour leur dire qu'il était réellement tombé red dingue de Monique et que, désormais, il ne peut plus rien y faire, mais surtout, il ne sait plus comment faire. Merde. Comment faire? Dites-lui que je suis. Non, je ne sais plus comment faire. Elle est si forte qu'elle se brise. Elle est si fière, elle est soumise. Comme un amour qui lâche prise. Qui casse et ne plie pas. Tu rires semble quand elle tremble. Et dans ta voix, j'entends parfois. Magnolia Forever, c'est le souhait éternel du merveilleux Claude François. Magnolia, un parfum délicat pour un bain moussant, une fragrance suave et électrisante. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre toilette dominicale dans le monde insensé des odeurs corporelles. Des étuves médiévales au vestiaire des garçons, du célèbre Tony Glandil au lavabo marocain du Jean-Claude et des crados du G8 au J'y pense quand je me rase, nous t'avons dressé un panorama subjectif et incomplet, bien sûr, de ce que peut être le propre et le sale. Alors, pour terminer, nous avons voulu répondre à une petite interrogation. Les Français sont-ils réellement un des peuples les plus sales de la planète? A priori, nous utiliserions en moyenne 2 fois moins de savon que les Britanniques et les Allemands, mais surtout, moins d'un Français sur 2 prendrait une douche quotidienne. En effet, pour qui a déjà pris les transports en commun aux heures de pointe en France, il est évident que la notion d'hygiène est très subjective. Mais bon, heureusement chez nous, on n'estime pas la valeur des gens à leur degré de propreté. Et surtout, il faut toujours se méfier des personnes trop propres sur elles. Tu es belle, vue de l'extérieur. Et là, je connais tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas beau, même assez dégoûtant. Alors ne t'étonne pas si aujourd'hui je te dis va-t'en. C'était Serge Gainsbourg, Par hasard et par rasé. Voilà, fin du 82e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié.